Chapitre 27e. Errol se trouva assez embarrassé lorsqu'il voulut mettre son idée à exécution. Il ne s'agissait pas en effet d'amener Juliette dans une maison quelconque, prise au hasard, et où elle ne reviendrait pas. Il fallait au contraire que cette maison fût choisie avec soin, dans des conditions de sécurité telles que Juliette, pleinement rassurée, n'eut pas de répugnance à y revenir une seconde fois, puis une troisième, puis toujours. Il savait que Juliette allait deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, voir sa mère. Il devait donc chercher sur le chemin qui conduit de la rue des Vieilles Audriettes au boulevard Malesherbes, et le quartier de la Madeleine lui parut propre à la réalisation de son plan. Les allants et venants sont assez nombreux dans les rues de ce quartier pour qu'une femme élégante n'attire pas l'attention. Et au pis-aller, si Juliette était rencontrée et reconnue, elle aurait une justification toute prête, elle revenait de chez sa mère. Il se mit en quête, sans bien savoir ce qu'il prendrait, un hôtel, une maison meublée ou un logement particulier, et après avoir parcouru tout le quartier, il trouva rue de Sèze une maison meublée qui lui parut réunir les conditions convenables. Elle n'appelait point l'attention par une peinture blanche trop voyante, et elle était d'apparence décente. Un garçon vint au-devant de lui et écouta sa demande avec un air moitié discret, moitié encourageant. « Je vois ce qu'il faut à monsieur, » dit-il. « Précisément, nous avons un petit appartement au rez-de-chaussée qui plaira à monsieur, j'en suis certain d'avance. » Errol fut peu satisfait d'être si bien compris, et il suivit le garçon d'un air renfrogné, se demandant à quoi on pouvait deviner qu'il cherchait un appartement pour y recevoir une femme. Il avait cependant été circonspect et réservé dans ses questions. Mais n'ayant point l'habitude de ce genre de recherche, il ne savait pas combien les garçons de ces maisons meublées sont fins pour toiser les gens. C'est chez eux affaire d'instinct autant que de tradition. « Monsieur remarquera, » continua le garçon en montrant à Errol le logement dans lequel ils étaient entrés, « combien cet appartement est commode. » L'entrée est noire, il est vrai, mais cela n'est pas toujours un inconvénient. Le salon que nous trouvons d'abord empêche qu'on entende du dehors les bruits de la chambre. Je veux dire qu'on entende dans la chambre les bruits du dehors. Les fenêtres de la chambre donnent sur la cour. Elles sont garnies de volets à l'intérieur, comme monsieur peut le voir. C'est une sûreté. Enfin, l'ameublement est frais. Si monsieur a besoin de liqueurs, de champagne, de fruits et de pâtisseries, il trouvera ici tout ce qu'il pourra désirer. » Errol n'avait besoin ni de liqueur ni de pâtisserie, mais il voulait des fleurs, et il en fit apporter une pleine voiture. Le garçon lui offrit de les placer, mais il n'accepta pas son aide, et seul il les disposa dans tous les coins de l'appartement, les groupant, les étageant avec le goût d'un peintre et avec le soin d'un amoureux. Dans le salon et dans les endroits sombres, il plaça les palmiers, les dracénas, les phormiums et toutes les plantes à feuillage. Sur les cheminées, sur les consoles, les plantes aux corolles brillantes, les roses, les amaryllis, les achimènes. L'appartement, qui était obscur, s'en trouva éclairé. Dès le mercredi, l'appartement était prêt à recevoir Juliette. Il y revint cependant tous les jours passer une heure ou deux, pour arroser les plantes ou enlever une fleur fanée. Il y vint surtout pour rêver, pour penser à elle. Les heures qu'il passait là étaient les meilleures de sa journée. Il la voyait. Elle était devant lui, il la tenait dans ses bras et il se laissait emporter par l'hallucination de son amour. Enfin, le samedi arriva, et à midi et demi, il se trouva dans le bois, au rendez-vous convenu. Mais il ne venait venir Juliette qu'à une heure seulement. Elle marchait lentement, les jambes fléchissantes, comme si elle était accablée par le poids d'une émotion plus forte que son courage. Il courut au-devant d'elle. « Malade ?» dit-il d'une voix tremblante. Mourante d'angoisse après 5 jours de fièvre. Ce que vous m'avez demandé est impossible. Rendez-moi ma promesse. » Son premier mouvement fut un mouvement de colère. Et quoi ? C'était ainsi qu'elle tenait sa parole et respectait ses engagements. Il se laissa emporter et, en quelques mots ardents, il peignit le sacrifice qu'il s'était imposé depuis qu'il l'aimait. Avait-elle un reproche à lui adresser ? Ne l'avait-il pas aimée comme elle voulait être aimée ? Ne l'avait-il pas adoré, respecté ? Je n'étais pas l'amant de votre chair, s'écria-t-il, mais celui de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Cette vie de renoncement, je l'avais acceptée, et jamais vous ne m'avez entendu me plaindre. Est-ce ma faute à moi si les conditions de notre intimité sont changées? Est-ce la mienne? Non, et je ne vous fais pas responsable de ce qui arrive, mais ce que je vous reproche, c'est de ne pas tenir aujourd'hui la promesse que vous m'avez faite il y a 4 jours. Alors, vous avez vu mon désespoir et en avez été touché. Au moment de la séparation qui vous menaçait, vous avez eu un élan d'amour. Ce n'est pas élan qu'il faut dire, c'est faiblesse. Comme toujours, j'ai cédé à votre parole, j'étais entraîné. Il ne fallait pas m'enlever dans le ciel, si c'était pour me rejeter sur la terre. La chute est pour moi d'autant plus dure qu'elle s'accomplit de plus haut. Si vous saviez quel a été mon bonheur pendant ces 4 jours, quels ont été mes rêves. Alors, il lui raconta comment il avait employé ces 4 jours. Il lui dit ses joies et ses espérances. Mais à mesure qu'il parlait, il vit une telle tristesse dans les yeux qu'elle fixait sur lui que peu à peu sa colère s'apaisa et qu'il se laissa attendrir. Elle était si visiblement désolée, si malheureuse. « Oui, dit-elle quand il cessa de parler, vous avez raison, je ne suis pas digne de vous. Je ne mérite pas un si grand amour. Accablez-moi, abandonnez-moi. Je ne peux pas vous sacrifier mon enfant. Si vous me pressez, si vous m'entraînez par vos paroles et par vos regards qui me font perdre la raison, je vais vous promettre tout ce que vous me demanderez. Mais quand vous ne serez plus là, quand je ne serai plus sous votre influence, je penserai à mon fils, et cette pensée me retiendra. Si je vous ai promis de sortir, je ne sortirai point. Je ne peux pas m'exposer à perdre mon enfant, et si je vous cédais, je suis certaine qu'un jour ou l'autre, demain peut-être, on me l'enlèverait. Je ne vous abandonnerai pas, je ne m'éloignerai pas de vous, vous le savez bien. Je vous écrirai souvent, tous les jours si vous le voulez. Je chercherai les moyens de vous voir et j'en trouverai. Lesquels, je n'en sais rien en ce moment, mais j'en trouverai. Vous savez bien que je ne peux pas vivre sans vous voir. Mais ce qui devait se réaliser dans un avenir incertain et plus ou moins éloigné n'était pas pour le satisfaire. Ce qu'il fallait à son impatience et à son inquiétude, c'était quelque chose de positif et d'immédiat. Et elle finit par promettre d'aller voir sa mère, déjà rentrée à Paris, le mardi suivant, et en chemin, elle le rencontrerait. Place de la Madeleine, à 3 heures. Ses lèvres ne parlèrent point, mais ses yeux ratifièrent cet engagement. Le mardi, avant l'heure fixée, il était en observation. C'était précisément jour de marché aux fleurs. Au milieu de la foule, il aurait peine à la reconnaître de loin, mais il ne se plaignit pas de ce contretemps qui pour elle était une sécurité. Quelle toilette aurait-elle? Il avait oublié de le lui demander. Aussi, tous les chapeaux de femmes qu'il apercevait dans le lointain lui faisaient-ils battre le cœur à grands coups. C'était elle. Puis, quand il reconnaissait qu'il s'était trompé, il tirait sa montre pour se rassurer. Elle ne pouvait pas arriver encore. Mais elle avait déjà quitté sa maison, elle était en route, elle allait venir. Comme les aiguilles de sa montre qu'il tenait dans le creux de sa main étaient lentes à marcher. Il regardait les fleurs et, pour tuer le temps, il tâchait d'écouter les propos des amateurs et des marchands. Mais les paroles résonnaient dans son oreille, comme si elles avaient été prononcées dans un idiome étranger, il ne les comprenait point. Le temps s'écoulait cependant, 3 heures sonnèrent. Il alla jusqu'au boulevard afin de voir plus loin. Mais dans la confusion de la foule qui le croisait, il ne voyait rien qu'un fourmillement, et à force d'ouvrir les yeux avec fixité, il finit par avoir des éblouissements. Tout se brouillait devant lui. Les gens marchaient la tête en bas. Pour avoir la perception exacte des choses, il était obligé de fermer les yeux durant quelques secondes. Elle ne venait pas. Allait-elle encore manquer à sa parole? À cette pensée, il se sentit anéanti. Mais à ce moment même, il eut le sentiment qu'une main gantée allait se poser sur son épaule. Il ne la vit pas se lever, il ne la sentit pas s'appuyer, et cependant il reçut la commotion. Il se retourna vivement, et ses yeux, dans un éclair, se croisèrent avec ceux de Juliette. Machinalement, sans savoir ce qu'il faisait, il leva la main pour la saluer, mais elle lui prit le bras. « Marchons, » dit-elle avec un sourire plus enivrant qu'un baiser. Puis, comme elle vit qu'il était étonné de sa détermination, « Notre rencontre ne peut-elle pas s'expliquer tout naturellement ?» dit-elle. « Si l'on raconte qu'on m'a vu avec vous, je n'aurai ni à m'en cacher, ni à mentir. » Ils se mirent à marcher lentement. N'est-ce pas curieux ? Dit-elle en lui serrant le bras. C'est toi qui trembles. Ce n'est pas seulement la crainte qui fait trembler, c'est aussi l'émotion, le bonheur, le désir. Achète-moi un bouquet de violettes, dit-elle, comme si elle ne voulait pas l'entendre. Mais lorsqu'il lui donnait ce bouquet, il reprit le cours de sa pensée interrompue. Si tu voulais, dit-il, nous sommes à deux pas de la rue de Sèze, une minute seulement et tu partiras. Ah, Francis, c'est mal, je t'en prie. Et son regard acheva sa prière. Elle ferma les yeux, et ce fut elle à son tour qui commença à trembler.